déjà les portes éternelles, enfants sont ouvertes pour toi. Viens, je te donnerai des ailes, tu t'envoleras avec moi. Et l'ange souriait et lui tendait les bras. L'enfant semblait dormir et ne répondait pas. Semblait dormir et ne répondait pas.